Bonjour Doudou Mariolo. Bonjour. Je voudrais que vous nous présentiez un peu qui vous êtes, votre travail et tout ça. Alors, je suis d'origine tzigane, donc d'origine rome. Mon père était un Sinto, et les Sinto étaient en gros les Sinti installés sur l'Italie. Les voyageurs étaient installés sur l'Italie, en sachant que le mot voyageur, gens du voyage et voyageurs, ça a été mis en place par l'État français de façon à rassembler un petit peu toutes les personnes dont les sédentaires n'arrivaient pas à définir d'où ils venaient. J'ai travaillé dans le social donc pendant très longtemps, ayant fait des études, ayant été enlevé de ma famille il y a 6 ans par la DAS, donc j'ai eu la chance de faire un certain nombre d'études et maintenant de pouvoir travailler sur des ateliers de français langue orale avec l'association Une famille, un toit qui intervient sur le terrain d'accueil de la route de Sainte-Luce et de pouvoir travailler d'un autre côté sur un projet de lecture à haute voix qui va se mettre en place entre 2011 et 2012 et également un projet d'écrivain public, c'est-à-dire de mettre mon savoir et puis mes capacités au service de certains terrains d'accueil de façon à pouvoir aider, apporter une aide sur des démarches administratives ou autres auprès de Manouche. D'accord, merci. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus un peu sur les cultures roms, manouches et gitanes, puisque vous avez dit que c'était assez cousin, entre guillemets, toutes ces cultures, enfin même si toutes les cultures nomades en Europe ne sont pas cousines, mais... Alors, il est vrai que le tout début, quand je raconte, puisque je fais un spectacle avec Orgue de Barbarie et avec, dont dans mes spectacles, j'ai l'histoire de la grande migration, et dans ce que j'appelle la grande migration, qui est partie vers l'an 1000 du Rajasthan, sont partis de là des familles, donc qu'on appelait Roms. D'autres familles, c'est parti en trois étapes, hein, la grande migration, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais parler moi des Roms et Manouches. Roms et Manouches veulent dire le mot homme et être humain. Et ces familles sont parties du Rajasthan pour des problèmes, je dirais, politiques, étant harcelées, enlevées, rançonnées par des tribus, des chefs guerriers qui venaient du Pakistan. Au bout d'un moment, donc, ils ont décidé de partir sur la route et ils sont arrivés sur l'Europe. Et sur l'Europe, ils sont installés dans différents pays, ce qui fait qu'on retrouve des appellations très diverses suivant les pays où ils sont installés. Sur l'Italie, on parle plus de Sinti, de Manouche Sinti. Et sur l'Est, on parle de Tzigane, on parle de Rome, Tzigane, en sachant que sur l'Est, il y a quand même eu un phénomène qu'il ne faut pas écarter, c'est la mise en esclavage pendant plus de 300-400 ans des populations tziganes. Oui, si j'ai bien compris, jusqu'au milieu du 19e siècle, en Roumanie, les Tziganes, c'était des esclaves, en fait, c'est ça? Ils ont été esclaves, donc ils ont été esclaves avec tout ce que ça comporte, donc interdiction de voyage, sédentarisation forcée, et après quand les gouvernements donc se sont mis, gouvernements politiques ont changé, ça n'a pas forcément changé la donne sur les conditions de vie des Tziganes qui étaient en place. Et après, d'autres se sont installés donc sur la France, et sur la France, on parle beaucoup de Manouche. On parle beaucoup de Manouche, en accentuant bien sur le A, on ne dit pas Manouche à la gâchée, on dit Manouche. C'est bien précis. Et quand ils sont arrivés sur la France, donc là, il y avait plusieurs catégories professionnelles. Donc c'est vrai que les gâchés se perdent souvent dans les descriptions, parce qu'on parle de. On dit, ah ben mon père, c'était un Lovari. Donc, un Ovari, c'était un manouche, mais c'était quelqu'un qui élevait les chevaux. Donc, il avait une profession bien précise. Après, on va vous parler de Calderache. Donc, j'ai un ami qui est sur le sud de la France, qui est intervenu avec moi sur le festival Nomad in Metz en septembre dernier. Il est venu faire des démonstrations d'état-major. Et Zenko, Sacha Zenko, c'est un Calderache qui travaille donc le métal. Après, moi, mon grand-père travaillait avec un ours dans les foires, avec sa femme, et c'était un oursari. Et suivant les métiers, donc, on a trouvé des styles très différents. Après, il y en a qui se sont installés sur l'Espagne et là qui sont devenus, avec des déformations de mots, qui sont devenus gitans. Et ils se sont plus installés, donc ils ont été plus connus avec la musique, avec le flamenco. Flamenco qui est reconnu quand même, maintenant les gens ne le savent pas, mais qui est reconnu patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est quand même, on parle à l'heure actuelle, on parle souvent des Roms en discriminant parce qu'on parle que des Roms qui ont des problématiques de logement, des problématiques d'installation ou autre, mais il faut quand même savoir que le peuple Rom est un peuple très riche, avec des intellectuels, avec des artistes. Prenez la famille Romanès qui est sur Paris, ils ont un cirque phénoménal sur la culture circassienne. Et la tradition des tziganes au travers du cirque. Prenez la famille Diab qui est sur la région de l'Ouest. La famille Diab, c'est une famille qui parle de la culture manouche, des métiers manouches, et qui parle en même temps de la musique, et qui sont des transmetteurs de culture. Après, vous avez des peintres comme Mona, vous avez des conteurs écrivains comme nous, le conteur Nouna Maximoff, dont le père était, Matteo Maximoff, était un des écrivains manouches. Vous avez Yann, dans les écrivains, vous avez Lick, qui était sur le sud de la France, qui a parlé des manouches du sud de la France. Yann Yors, qui a parlé des Roms et de sa vie au travers des Roms. Pierre Derlon aussi, qui lui était, alors Yann Yors et Pierre Derlon étaient des gadgets qui se sont nomadisés, soit par le mariage, soit par d'autres démarches. Et dans le sud de la France, vous aviez la compagnie Odigan qui fait des contes et qui raconte et qui sont d'origine manouche. Et tout ça, ces manouches-là font partie d'une certaine élite culturelle, intellectuelle, dont on ne parle jamais. On parle toujours des gens qui posent problème. Mais ceci dit, quand un gadget a un problème sur le journal, on ne met jamais Monsieur Paul Dupont a attaqué une banque ou a dévalisé une personne. Cet homme est d'origine sédentaire. Donc on sait tous, tout le monde sait effectivement qu'il y a eu un holocauste juif, mais personne ne sait qu'il y a eu un holocauste gitan en fait. Alors, et ça, je veux savoir si ça a pu influencer dans la culture gitane ou pas. Alors, dans la culture, il faut faire attention aussi parce que tous les manouches qui vivent en famille ou sur le terrain d'accueil ne sont pas forcément partie prenante de ce qui se passe sur des mouvements à côté de soutien ou d'aide ou culturel ou autre. Il y a certaines familles qui vivent tranquillement. Il y avait un proverbe qui disait « pour vivre tranquille, vivons cachés ». C'était les vieux manouches qui disaient ça. Ça ne voulait pas dire qu'ils se cachaient, ça voulait dire que foutez-nous la paix, on vit dans notre coin. Et dans les années 50, 60, quand les gens voyageaient, ils voyageaient avec leur verdine, ce que les gadgets appellent des roulottes. Et puis quand ils arrivaient dans un village, qui est de moins en moins possible, ils se mettaient dans un petit coin, tranquille. Ils allaient vendre des napperons, ils allaient réparer des gamelles, ils allaient vendre des paniers. Et puis tant bien que mal, ils arrivaient à vivre et puis on leur foutait la paix, ainsi de suite. Alors effectivement, il y a peut-être une ou deux poules qui partaient, mais ce n'était pas forcément les tziganes ou les manouches qui volaient des poules. Vous savez qu'ayant vécu moi, élevé par des nourrices de la DAS en campagne, je savais qu'il y avait des spécialistes en campagne dans le bled où j'étais, qui étaient spécialistes pour aller piquer les lapins au moment où les tziganes arrivaient. Comme ça, automatiquement, c'était les gitans, c'était les bohémiens, c'était les romanos, comme on les appelait, c'était eux qui étaient accusés systématiquement. Maintenant, le problème du génocide commence à être un problème qui commence à être reconnu. Dans la région d'Arles, il y a une plaque qui était une plaque commémorative où les gitans ont été associés parce qu'à Salier, il y avait d'abord un camp qui était très important, qui avait été créé par Vichy, qui est un camp d'internement donc des tziganes dans le coin là-bas. Et il y a une association, Amarodrome, qui travaille sur la reconnaissance, donc avec Véronique Labbé, la présidente, qui travaille sur la reconnaissance du Samoudaripen, qui est donc le génocide tzigane. Et puis à côté de ça, il y a d'autres associations de mélange tzigane et gadget sur le sud, qui bougent beaucoup en ce moment, et qui ont lancé un mouvement qui s'appelle Dosta. Et le mouvement Dosta, c'est un peu un mouvement qui prône la mixité et qui dit on peut vivre ensemble, on peut vivre ensemble. Et Dosta, ça veut dire basta, ça veut dire stop, arrêtez les conneries, arrêtez, admettons-nous autour d'une table et discutons. Et Dosta, c'est un mot qui veut dire vraiment, c'est vraiment un mot bien précis. Moi, j'ai une autre question aussi, c'est à votre avis, quelles sont les influences qu'a eu les cultures roms et gitanes et manouches sur la culture française en général? Déjà dans l'argot, il y a eu plein de mots donc, qui ont été repris. Bon, je vais en citer quelques-uns. Marave, pour dire bagarre. L'axodrome, on le retrouve sur des noms de chapiteaux dans la région de Nantes. L'axodrome veut dire bon voyage. Et surtout sur la musique. Sur la musique, c'est vrai que le gitan, tzigane, rome musicien, il n'a pas de problème. Il est accueilli, il est reconnu. C'est pas lui qui pose des problèmes d'intégration, entre guillemets. Quoique, sur le festival d'Avignon, la fanfare vagabondue avait été invitée officiellement. Et pendant le temps du festival, ils ont pu jouer. Ils sont revenus après le festival, en dehors du festival. Et là, la police municipale les a menacés de prendre leur instrument de musique pour les empêcher de jouer dans la rue. Donc, vous voyez, tu viens jouer, on t'accueille, t'es à l'affiche et tout. Mais après, voilà, tu retournes chez toi, tu reviens pas faire de la musique dans la rue. Ceci dit, la musique, moi qui joue de l'orgue de Barbarie, c'est de plus en plus difficile de jouer dans la rue sans autorisation municipale. Alors, en parlant de musique, donc le flamenco, c'est quand même quelque chose qui a influencé énormément, et de cinéastes, Tony Gatliff et autres, et de ciné, le gitan avec Delon, et on retrouve du flamenco dans énormément d'endroits, que ce soit dans la danse ou que ce soit dans la musique, et le flamenco est passé au patrimoine mondial culturel de l'UNESCO. Donc, comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que des Roms, des Tziganes, mauvais ou dangereux, on a quand même dans le peuple Rome, Manou, Tzigane, peu importe le nom pour le moment, on a quand même une culture, on a des intellectuels, on a des écrivains, et on a même une radio sur le web. Une radio sur le web qui s'appelle Balkanophonie. Donc tous les amateurs de musique tzigane peuvent retrouver donc sur le web cette radio-là. On a des gros festivals. Donc il y a le festival de la Cumpania qui est dans le sud de la France. Vous avez le festival Nomad in Metz qui est, comme le nom le dit, sur Metz. Vous avez un festival qui va avoir lieu dans pas longtemps de culture nomade hein, du 16 mars au 16 avril. Donc à Tourville-la-Rivière, on peut retrouver des infos à tourville-la-rivière.fr. Et vous avez quand même plein d'interventions, d'actions qui existent.